24 années, j'ai mis mes souvenirs dans une boîte noire. Et repenser, ça me fait bader quand le soir le doute s'installe. L'impression de reculer, alors pourtant les rides arrivent. On m'a ausculté, on m'a prédit que j'ai le pire à vivre. C'est plus pareil, je me sais condamné, donc j'ai plus la force de faire semblant d'avoir la forme, de gratter les métaphores. Mon stylo fuit, chaque mesure est une larme en plus. À ce qui paraît, le bonheur existe, mais moi je l'ai rarement vu. Texte encore triste, c'est normal, c'est la marque fabrique de chaos max. Si j'explose après, je disparais comme Archavin. Mon âme chavire, noyée par la peine. Y'a pas plus d'espoir dans mes yeux que de neige au Kenya. J'ai fait mes preuves, parti de rien, j'ai fait mes billets verts. Ouais, toi t'y étais, mais t'as fait quoi à part qu'il est de l'herbe. En fait c'est naze, les mots suivent, mais ne veulent rien dire. J'ai pas fait des phrases, tant pis, seul le flow tiendra le disque. Our pour les miens, je vous fais tous une bise ou un check à la mode. On va tous les mettre à l'amende, c'est ce qu'on se disait avant que les feuilles tombent. 2011, je me sens seul et le deuil me plombe. Il ne reste que les photos qui jauniront toutes sur un mur. De toute façon, on ira tous plus haut que l'anneau d'Uranus. Tu crois que là-bas, on pourra tout recommencer à zéro. Si même plus ici, j'espère que là-bas, bah, j'aurai raison. Même quand je réussis à me poser les bonnes questions, je n'y retrouve perpétuellement que de sales réponses. La vérité m'a tellement souvent fait peine à croire que je préfère l'ignorer pour garder une once d'espoir. Même quand je réussis à me poser les bonnes questions, je n'y retrouve perpétuellement que de sales réponses. La vérité m'a tellement souvent fait peine à croire que je préfère l'ignorer pour garder une once d'espoir. Je suis arrivé ici, on m'a menti, on m'avait dit qu'il fallait être gentil et poli, que tout irait bien sur ma petite planète. Mes idéaux se détruisent depuis le pays de la Mecque. Je vois ma vie en ressous au Javel juste avant qu'elle m'apprenne. C'est qu'un circuit qu'on s'endurcit avec les tours de piste. Quand jour de pluie et jour de crise, la roue tourne vite. Un coup de déprime quand on dépend de la courbe des prix. On courbe les chines des bases bancales, ne soutiennent que la tour de Pise. Après RS, le cap de rêve deviendra dans le réel. Avant le quart de siècle, yo no tengo ganas de querer. Le pardon n'est qu'un placebo mental, gars. Voir le dernier mot ne veut pas dire qu'on le surmontera. Quand le mal est fait, faut être honnête, c'est déjà fini. J'ai gravi ma montagne, au sommet j'ai perdu l'équilibre. Sourire j'insiste, mais j'en ai marre d'essayer. J'attends un signe, la patience n'est que l'art d'espérer. Même quand je réussis à me poser les bonnes questions, je n'y retrouve perpétuellement que de sales réponses. La vérité m'a tellement souvent fait peine à croire que je préfère l'ignorer pour garder une once d'espoir. Même quand je réussis à me poser les bonnes questions, je n'y retrouve perpétuellement que de sales réponses. La vérité m'a tellement souvent fait peine à croire que je préfère l'ignorer pour garder une once d'espoir. Je n'ai pas besoin de vous souligner que votre arrivée a provoqué quelques surprises. Vous avez voyagé longtemps.